Chapitre 3e. J'ai dit que Guillaume Duclos était demeuré insentimental à travers la plus désenchantante des existences, celle d'un célibataire riche à Paris, dont la grande affaire est de courir l'aventure dans le monde ou le demi-monde à son gré. C'est dire aussi que ce sentimental pouvait à l'occasion être un cynique. Remonté en voiture avec Madame de Montclair, et quand il eut donné au cocher l'adresse d'un restaurant de nuit, ce cynisme l'emporta d'abord. Elle a un amant. Il la trompe. Elle vient d'en avoir la preuve. Elle veut se venger avec moi. Je serai un sot de ne pas en profiter. S'il ne se rédigea pas ce raisonnement avec cette netteté, il commença d'y conformer sa conduite. Aussitôt le fiacre en marche, il prit la main de sa compagne et y déposa un long baiser en disant « Si j'hésitais tout à l'heure à vous obéir, c'est que je n'osais pas croire à mon bonheur. Pensez donc, à peine si vous m'avez laissé vous parler de mes sentiments pour vous. Quand je vous disais que je vous aimais, les premiers temps, vous aviez une façon de m'écouter si moqueuse que je ne trouvais plus mes mots. Je m'en allais en me répétant « Tu es un vieux fou, jamais elle ne s'intéressera à toi. » Et maintenant, être seul avec vous dans cette voiture, aller où nous allons, je me fais l'effet de rêver. Prouvez-le-moi que je ne rêve pas, Louise, en me permettant de regarder vos beaux yeux, de caresser votre joli bras, de vous embrasser. Me le permettez-vous ? » Ces paroles ne laissaient guère de doute sur l'interprétation que l'ami entendait donner à ce consentement de venir avec lui au cabaret, en tête à tête. Duclos les avait prononcées avec une ardeur où il entrait, si étrange qu'un tel mot puisse paraître, comme un parti pris de conscience. On n'a pas impunément traîné, un quart de siècle et plus, dans des sociétés où régnait encore la morale exposée avec tant de grâce et d'impudence par Besenval, dans ses célèbres mémoires. Avoir pour les hommes, enlever pour les femmes, étaient les vrais motifs qui faisaient attaquer et se rendre. Aussi, l'on se quittait avec autant de facilité qu'on s'était pris. Et la suite ? Rencontrer une telle occasion de bonne fortune et la laisser échapper, Duclos s'en fut mésestimé. À ce motif d'amour-propre, presque professionnel, s'ajoutait un sentiment pas très joli, mais si humain, si masculin plutôt, de découvrir brusquement que Madame de Montclair avait une liaison avec ce prégis, venait d'humilier l'amoureux de 50 ans à une profondeur singulière. Son manque de perspicacité l'avait soudain ridiculisé à ses propres yeux, et davantage la nature de ce choix. Il n'avait jamais daigné prêter attention à ce gamin de Prégis, et ce gamin était l'heureux amant de cette femme dont lui, Duclos, n'avait certes pas cru qu'elle n'avait jamais eu personne dans sa vie. Et pourtant, au fond, tout au fond de lui-même, il lui avait accordé le bénéfice de l'incertitude. Cette partialité inconsciente est le signe le plus sûr d'une tendresse qui ne se connaît pas tout entière. Il y avait encore un peu de cela. Dans ce subit changement des manières de Guillaume, une revanche héritée, une rancune de cette tendresse dont il avait été la dupe. La dupe, il ne le serait plus, quand cette maîtresse de Prégis aurait été sa maîtresse aussi, et en lui répétant « Me le permettez-vous ?» il avait passé son bras autour de la taille de Madame de Montclair. Il l'attirait contre lui, sans qu'elle se défendît. Elle avait laissé retomber le capuchon qui lui servait de cagoule. Quand les lèvres de Duclos effleurèrent les siennes, à travers les dentelles de son loup, elle ne se recula pas. Elle ne lui rendit pas non plus son baiser. La bouche immobile et froide, les dents serrées, elle était comme un cadavre. Et voici que tout d'un coup, comme il essayait de relever cette dentelle pour un second baiser plus intime, elle se rejeta loin de lui dans l'autre angle de la voiture, en poussant un cri. Une convulsion la secouait, plus violente que celle dont elle avait été saisie dans la salle de bal. Et elle se mit à sangloter avec un désespoir si sauvage que les médiocres sentiments de l'homme à bonne fortune s'effacèrent aussitôt du cœur de Duclos pour ne laisser la place qu'à la pitié. « Mon ami, suppliait-il, ma chère amie, revenez à vous, je vous en supplie. N'ayez pas peur de moi. » Il ne pensait plus maintenant à la duperie. Ce bras passé autour de cette taille, cet effleurement de ses lèvres fermées et glacées à travers cette dentelle d'un masque, était-ce assez de rien que devait se réduire les voluptés de ce tête-à-tête? Que lui importait à cette minute? Pardonnez-moi, je viens d'être brutal, je ne le serai plus. Mais revenez à vous, dominez-vous. Tenez, voulez-vous la preuve que vous n'avez rien à craindre de moi ? Il avait abaissé la vitre de la portière, et penché à demi au dehors, il interpellait le cocher. « Nous n'allons plus au restaurant, » criait-il à cet homme. « Nous allons à l'hôtel X. » C'était celui où était descendue Madame de Montclair. « Vous voyez que j'avais raison, » ajouta-t-il, sur ce ton de demi-badinage que l'on prend quand on veut calmer une crise nerveuse, en n'ayant pas l'air de la prendre trop sérieusement. « Il valait mieux rentrer tout droit chez vous et vous reposer. Mais nous y rentrons. » La voiture avait tourné dans la direction indiquée et Madame de Montclair se calmait en effet. Elle avait repris la main de Duclos par un geste qui prouvait le retour de sa confiance. Il lui demanda d'une voix profonde où frémissait non plus la vanité de l'ami qui souffre d'avoir été joué, mais la jalousie passionnée de l'amoureux. « Vous l'aimez donc bien, ce Prégis ?»« Ah » répondit-elle, d'une voix si profonde aussi, celle de la femme qui ne défend plus son secret, qui ne discute plus sur les signes plus ou moins probants d'une liaison qu'elle a tant cachée. « Si je l'aime. » « Et il y a longtemps ?» interrogea Duclos. « 4 ans, » répondit-elle. « Et avant ?» demanda-t-il durement. « Avant ?» répéta-t-elle, et de nouveau une telle douleur avait passé dans son accent qu'il eut honte de cette nouvelle brutalité. Elle ne lui laissa pas le temps d'en redemander pardon. « C'est vrai, » continua-t-elle, « vous avez le droit de penser ainsi après que je viens de vous offrir d'aller souper comme j'ai fait. Mais j'ai tant souffert là. Quand je l'ai vu qui s'en allait avec cette femme, j'étais folle. » « Non, Duclos. » Et à travers le masque, il pouvait voir passer dans ses yeux la vérité profonde de son âme. « Je vous jure qu'avant, il n'y a rien eu dans mon existence que mon mari, que je n'ai jamais aimé, et qui m'a trahi, et que mon enfant qui est mort. Il y a 4 ans, j'en avais 36. J'ai rencontré Maurice. J'étais trop malheureuse du vide de ma vie. C'était une folie, je le savais, de m'attacher à quelqu'un qui avait 14 ans de moins que moi. Oui, je le savais. Mais mon cœur a été pris. J'étais encore belle. J'ai voulu avoir eu ma part de joie en ce monde, et je l'ai eue, si complète. Voyez, à cette minute même, il m'est impossible de regretter d'avoir été à lui. Et cependant, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai constaté ce que j'avais prévu, qu'il cesserait de m'aimer avant que moi, je ne cesse. Quand je le prévoyais, je ne devinais pas que ce serait si dur. Cela a commencé par de toutes petites négligences de sa part. Quand il m'écrivait, ses billets étaient plus courts, ses visites chez moi moins assidues. Lorsqu'on aime, comme on les saisit, comme on les sent, ces nuances. Je n'avais qu'à m'étudier dans ma glace le matin à mon réveil pour savoir la raison de ce changement. Voilà 1 an, Duclos, que je me regarde vieillir. C'est pour ce motif que je ne vous ai pas arrêté tout de suite quand vous êtes mis à me faire la cour. Vous me prouviez que je pouvais plaire encore. Il faut que je vous avoue aussi que j'avais parlé de vous à Maurice, et il avait montré un peu d'ombrage. C'est à moi de vous demander cette fois de me pardonner. Mais il faut que vous me compreniez, il le faut. Cette petite jalousie qu'il me laissait voir me faisait tant de bien. Elle contrastait avec les indices de sa froideur qui se multipliaient. Ce n'étaient encore que des indices. Il y a 3 mois, un hasard de conversation m'apprit que l'on prononçait à propos de lui le nom d'une femme. Je ne vous le répéterai pas. C'est quelqu'un de notre monde. J'eus avec Maurice une explication où il fut du moins loyal. Il m'avoua une infidélité, avec de telles larmes de remords, avec un tel désespoir devant ma douleur, que je lui pardonnais. Il était sincère, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il a rompu. En janvier, il était malade, on l'a envoyé dans le midi. J'y suis venu, là j'ai recommencé de souffrir. M'en a-t-il voulu de ce sacrifice qu'il m'avait fait? Son amour pour moi a-t-il encore diminué? L'ai-je ennuyé de moi et de mes plaintes? Enfin, je suis redevenue jalouse. On m'a raconté qu'il avait des histoires avec des créatures, maintenant. J'ai voulu savoir. Je sais. Elle s'était tue. Sa respiration était devenue haletante. Elle détacha son masque, comme si même cette légère dentelle l'empêchait de prendre tout l'air dont elle avait besoin. À la demi-clarté que projetaient sur la voiture les lanternes de papier peint dont l'avenue était pavoisée, Duclos regardait ce charmant visage. La 40e année y était marquée, en effet, par des stigmates qui le lui rendirent soudain plus cher. Toute sa folie de tout à l'heure lui revint et ce fut le cœur battant qui lui demanda Et maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire ? Ah, gémit-elle, je voudrais, pour m'estimer moi-même, penser que j'aurais l'énergie de rompre. Je ne l'aurai pas, continua-t-elle avec une amertume infinie. Je n'aurai même pas celle de lui cacher que je l'ai espionné et surpris. Je le reverrai. Je lui parlerai avec tout ce que j'ai de dégoût et de rancœur. Et puis c'est moi qui le supplierai de me pardonner. Je sais cela, qu'il recommencera, et que je suis entré dans l'enfer de mon bonheur. Et c'est juste, je sais encore que c'est juste, il a 25 ans, je vais en avoir 40. La vie est tout jeune, voyez-vous, et je ne suis plus jeune, je n'ai plus de droit. La vie est tout jeune, répéta-t-il avec une protestation fiévreuse, pas toute la vie cependant. En vous accompagnant ce soir, en vous respectant, en vous ramenant comme je vous ramène sans vous rien demander, est-ce que je ne vous prouve pas qu'il y a pourtant des nuances de sentiments qui sont de tous les âges ? L'on peut rester si jeune par le cœur quand on a cessé de l'être par les années. C'est vrai, répondit-elle en secouant sa tête, mais ce n'est alors plus que pour souffrir. Elle avait dit cela d'un accent si triste qu'il ne trouva rien à répondre. Ils se turent ainsi durant les 5 minutes qui les séparaient de l'hôtel où était descendue Madame de Montclair. Le fiacre arrêté, elle dit à Guillaume : Vous avez été bien bon pour moi ce soir, Duclos. Voulez-vous m'être tout à fait ami ? Vous n'allez pas me demander de ne pas vous revoir ? Supplia-t-il en tressaillant. Si, répondit-elle, au moins pour quelque temps. Il me serait trop pénible de me rencontrer avec vous demain. Et elle ajouta, en fermant les yeux, tant la certitude de sa faiblesse lui faisait mal à l'avance. Encore plus après-demain. Et tout bas, j'aurais trop honte devant vous. Je vous obéirai, dit-il simplement. Elle ne le remercia pas. Tous deux s'étaient regardés une minute. L'étrangeté de leur situation était symbolisée par le contraste entre leur costume de carnaval et les phrases qu'ils venaient d'échanger. Louise parut vouloir ajouter un mot encore. Puis, brusquement, comme si déjà la présence du témoin de sa dégradation prochaine lui était insupportable, elle sauta à terre en relevant son domino. Elle se mit à marcher vers son hôtel d'un pas rapide, sans se retourner. Duclos fit lui-même le geste de s'élancer à sa poursuite. Puis, haussant les épaules, il remonta dans le fiacre, auquel il donna cette fois l'adresse de son propre hôtel en répétant indéfiniment « La vie est au jeune, la vie est au jeune !» Et jamais une tristesse plus amère ne lui avait noyé le cœur que celle dont il étouffait, au milieu de cette ville de joie, où continuait de grouiller la foule en délire. Ainsi s'achève « La vie est au jeune » par Paul Bourget.